goût des alcools qui nous coulent dans les veines, qui nous brûle le cœur jusqu'au bout de la nuit. Y'a les cris de désir pour les yeux d'une fille. Le meilleur et le pire, c'est pour ça qu'on s'enfuit. Puis y'a les odeurs du monde qui nous déchirent le cœur, dans les ruines immondes de nos frères et nos sœurs, de nos frères et nos sœurs. Y'a les bombes qui chantent et les chiens affamés. Y'a des hommes qui tremblent pour les gamins noyés. Puis y'a les fascisants et l'odeur des cadavres qui se lâchent en riant des billets sous la table. Puis y'a les odeurs du monde qui nous déchirent le cœur, dans les ruines immondes de nos frères et nos sœurs, de nos frères et nos sœurs. Et puis les vagabonds, ceux qui marchent la nuit, et tout autour du monde pour célébrer la vie. Mais y'a le sourire d'un gosse qui fait marrer les vieux, qui fait chanter la vie, oui, bien plus que leur Dieu. Y'a les odeurs du monde qui nous déchirent le cœur, dans les ruines immondes de nos frères et nos sœurs, de nos frères et nos sœurs. Et puis y'a cette fille et ses longs cheveux noirs qui fait voler sa robe dans la lumière du soir. Quand elle s'offre et s'envole de ses seins à ses yeux, ou au plus profond du vent quand elle t'offre les cieux. Puis y'a les odeurs du monde qui nous déchirent le cœur, dans les ruines immondes de nos frères et nos sœurs, de nos frères et nos sœurs. Puis y'a les odeurs du monde qui nous déchirent le cœur, dans les ruines immondes de nos frères et nos sœurs, de nos frères et nos sœurs.